Les Dithomanes seront toujours des frères. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ouais. Nous triompherons toujours du mal. Oui. Et nous pouvons rentrer maintenant et prendre un repos bien mérité. Oui. Allez. Moi je voudrais me te voir, mais tu ne me vois pas. Est-ce que tu penses un peu à moi? Quand je rêve de toi, rêves-tu de moi? Fais si, regarde-moi, regarde-moi. C'est comme ça, une journée sans toi, et sans soleil, et sans joie. Alors n'oublie pas, surtout n'oublie pas. Je veux vivre pour toi, rien que pour toi. Baby, I love you, I wanna stay a night. Baby, I need you, je veux te voir et c'est tout. Et mon avenir, si tu ne m'aimes pas, n'existe pas. Baby, I love you, I wanna stay a night. Baby, I need you, je veux te voir et c'est tout. Et mon avenir, si tu ne m'aimes pas, n'existe pas. Eh oui, c'était Mathias featuring Putois from the Beatles Band and Soli à la guitare. Thank you.